c'est le topos de tous les films de science-fiction. L'un des tout premiers plans d'Alien, des caissons d'hypersommeil dans lesquels les voyageuses et voyageurs spatiaux se reposent en état d'hibernation pour se conserver lors de ces trajets de très longues distances. Ce topo, cette image de SF est-elle en passe de migrer lentement mais sûrement vers la réalité ? L'ESA a annoncé fin janvier travailler sur un concept d'hibernation pour les futurs astronautes avec un module spatial piloté pendant le sommeil par une intelligence artificielle. Tout séduisant que soit ce projet, est-il envisageable à notre niveau de technologie ? Quelles sont les contraintes physiologiques, technologiques à la création de l'hibernation spatiale ? Hibernation spatiale, le bon gros dodo, c'est le programme somnolent qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évaluer la faisabilité de ce long sommeil spatial, son niveau de réalisme et ses éventuelles échéances, si tant est qu'il y en ait, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabrice Bertil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS dans l'équipe spectrométrie de masse bioorganique à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg. Et Didier Schmidt, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de la coordination et de la stratégie des programmes d'exploration robotique et humain à l'Agence spatiale européenne, également co-auteur de la bande dessinée d'anticipation Safari Rouge avec Ava Dobrynin et Thomas Rome, et cette position Vériche. Mais on commence par celle qui ne dit jamais non à une petite sieste. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue aujourd'hui dans la revue Astronomy and Astrophysics. Pour la première fois, nous avons détecté une molécule complexe dans un disque protoplanétaire. Disque protoplanétaire, ce sont là où naissent les planétésimaux, les planètes en formation. Avec le réseau de télescopes ALMA au Chili, une équipe hollandaise a étudié ce qu'il se passe dans le disque protoplanétaire de l'étoile IRS 48 à plus de 444 années-lumière de nous. La particularité d'IRS 48, c'est que lorsqu'on l'observe dans des longueurs d'onde millimétriques, on constate qu'il y a une émission asymétrique. On observe une structure en forme de croissant. Et quand on l'observe dans d'autres longueurs d'onde, on s'aperçoit qu'il y a des émissions moléculaires révélatrices de molécules complexes. Cette zone du disque en forme de croissant se révèle être un piège à particules. Les chercheurs ont ainsi détecté du diméthyléther, une molécule à 9 atomes, précurseur des molécules prébiotiques qui sont essentielles pour l'apparition de la vie. Pierre Barge est astronome au sein du laboratoire d'astrophysique de Marseille. En fait, des molécules complexes dans le milieu interstellaire, on en connaît beaucoup. Ou dans les zones de formation d'étoiles, on connaît des molécules très complexes, mais elles sont formées dans des régions très froides, dans lesquelles les réactions chimiques sont favorisées. Donc ça se passe par exemple à la surface de poussière. À l'intérieur des nuages interstellaires, il y a des petites poussières qui sont couvertes de glace. Et sur ces glaces viennent se déposer d'autres molécules. Et donc la chimie va se passer à la surface des grains. Donc ça, c'est le processus, si vous voulez, de complexification du milieu interstellaire, donc de formation des molécules dans le milieu interstellaire. Dans le cadre des disques protoplanétaires, c'est vraiment une découverte, parce que dans les disques protoplanétaires, on a des températures qui sont quand même plus élevées, et donc on ne s'attendait pas à avoir des molécules aussi complexes dans ces disques. Parce qu'en fait, les molécules les plus complexes qu'on connaissait jusqu'à présent, c'était, disons, du méthanol. Donc là, avec cette série d'observations, ces chercheurs ont montré qu'on pouvait détecter des molécules beaucoup plus complexes, donc avec des chaînes carbonées qui sont donc CH3, OCH, CH3, donc qui sont des diméthyléthers. En fait, d'autres molécules plus complexes sont visées par ces chercheurs. Ces chercheurs s'attendent à d'autres molécules encore plus complexes dans ces pièges à particules. Donc c'est dans ces pièges à particules que pourraient se former ces molécules complexes. Donc par collision successive ou par une instabilité gravitationnelle, on s'attend à ce que cette concentration très forte de particules puisse conduire à la formation de comètes ou de précurseurs des planètes, qu'on appelle des planétésimaux. Donc si au sein de ces tourbillons se forment des embryons de planètes, ils vont être chargés de ces molécules complexes. Et donc, une fois qu'on a ces molécules complexes, elles peuvent enrichir et s'aimer dans le système solaire, où elles peuvent être à l'origine de la formation d'une planète géante qui contient des molécules complexes. Voilà, si vous voulez retrouver l'étude initiale d'astronomie en astrophysique, eh bien nous vous postons comme chaque jour les liens sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Le programme d'observation satellitaire européen Copernicus a publié hier son dernier bulletin climatique. Oui, sans surprise, l'hiver et le mois de février en Europe ont été plus chauds que la moyenne. Dans son ensemble, l'Europe a connu une température de plus de 2 degrés par rapport à la moyenne. Février 2022 a été l'un des mois de février les plus chauds depuis le début des enregistrements. À l'échelle de la planète, les températures mondiales étaient d'environ 0,2 degrés plus chaudes. De plus, en ces 44 années de données, l'étendue quotidienne de la glace de mer autour de l'Antarctique a atteint sa valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette période. Selon une étude parue hier dans la revue PNAS, la moitié de la population américaine a été exposée à des niveaux de plomb nocifs durant la petite enfance. Et on sait, depuis les années 1970, que l'essence au plomb dégage dans les pots d'échappement de minuscules particules de plomb. Ce neurotoxique a été très répandu dans l'environnement jusqu'à ce que cette essence soit interdite en 2000. Alors selon cette équipe américaine, cette surexposition au plomb aurait des conséquences cognitives et sur le QI de la population. Les chercheurs ont analysé les niveaux de plomb dans des échantillons sanguins de plus de 11 600 enfants prélevés entre 1976 et 2016. Il se trouve que plus de 170 millions d'Américains vivant aujourd'hui ont été exposés à des niveaux élevés de plomb durant l'enfance. Et la perte moyenne de capacité cognitive liée au plomb serait selon eux de 2,6 points de QI par personne en 2015. Et enfin, une autre étude parue dans la revue PNAS vient de percer le secret de la chasse en meute des araignées. Et certaines espèces d'araignées vivent en groupe et peuvent chasser ensemble des proies qui font jusqu'à 700 fois la taille d'une seule d'entre elles. Alors c'est le cas des Anélosimus eximus en Guyane, qui vivent par milliers sur des toiles de plusieurs mètres cubes. Lorsqu'un papillon s'en mêle dans leur toile, elles peuvent fondre simultanément sur lui. Des chercheurs français ont compris comment se coordonnent ces milliers d'arachnides. Ils ont filmé et analysé leurs mouvements image par image. Et il montre que chaque araignée décide de se déplacer selon l'intensité des vibrations émises sur la toile par la proie et par ses comparses. Sans aucune chef de meute, elles interrompent leur mouvement et le redémarrent en même temps. L'union fait la force. C'est aussi simultanément que ces milliers d'araignées mordent leur proie. Et qu'elles sont en train de vous attendre dans votre chambre pour la fin de la journée, pour la nuit prochaine. Merci beaucoup Natacha. Et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Dès que l'on commence à envoyer des voyages spatiaux habités plus loin que la Lune, se pose un certain nombre de problèmes, au nombre desquels le temps se situe en bonne position. Le trajet le plus court pour un aller vers Mars est de 6 mois. Si on vise l'économie de carburant, il faut compter 8 mois et demi. Aller seulement et sans le retour. Et si jamais l'humanité caresse un jour l'espoir d'envoyer une mission habitée au-delà de la barrière d'astéroïdes, voire en rêvant un peu à l'extérieur de notre système solaire, l'équation est simple en termes de durée de vie humaine. Elle est impossible. C'est pourquoi, depuis les débuts du genre littéraire, la science-fiction a imaginé un système pour préserver les astronautes de la durée du voyage interstellaire, l'hypersommeil ou l'hibernation spatiale. Et vous allez entendre que ce n'est pas un fantasme uniquement de science-fiction, mais bien une hypothèse à laquelle réfléchissent les scientifiques depuis fort longtemps, comme en témoigne notre archive du jour, extrait de La Science en Marche sur la radiodiffusion française. Nous sommes en 1959. La vraie économie pour les voyages de très longue durée, des voyages qui comportent des années, consiste à réduire l'activité des gens, c'est-à-dire à les mettre dans un état d'hibernation. Remarquez que ceci ne présente qu'un intérêt tout à fait théorique. Si l'homme est en hibernation, que va-t-il faire dans l'espace? Ah oui, il faut qu'il soit dans un astronef alors autocommandé et ou alors et comme il ne verra rien. Oui. Ou alors une équipe. Il y aurait plusieurs personnes qui seraient en état d'hibernation et un astronaute va être de quart. De temps en temps, il va réveiller un hiberné. Mais en réalité, c'est pas l'hibernation qui serait la vraie solution. Ce serait la réfrigération. À plusieurs degrés sous zéro, réfrigération telle que la vie serait complètement arrêtée. Ah voilà. Dans ce cas, on pourrait rester des centaines ou des milliers d'années en survie. Oui, longtemps en tout cas, certainement. Oui. Seulement, ceci n'est possible que si on réalise une réfrigération sans congélation. Bien sûr. Bien entendu, dès que l'eau est transformée en cristal, toutes les cellules sont détruites L'individu n'existe plus. Et on n'aimerait pas arriver à l'état de glaçon. Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Maurice Strumza, qui est chargé du cours de médecine aéronautique à la faculté de médecine de Paris. La preuve, Didier Schmitt, hein, 59, qu'on pense déjà sérieusement, en tout cas que c'est évoqué comme une question scientifique. Absolument, puisque dans les années, début des années 50 déjà, donc Werner von Braun, son obsession, c'était pas la Lune, c'était effectivement Mars. Et donc c'est tout à fait logique que dans les années 50, les scientifiques aussi ont réfléchi effectivement aux conséquences, parce que les calculs n'ont pas changé, la physique n'a pas changé, les orbites n'ont pas changé. Donc effectivement, il faut effectivement entre 6 et 9 mois selon la propulsion pour aller vers Mars et pour revenir. Et ensuite, pour rester sur Mars, il n'y a pas beaucoup de choix, il y a deux options. La première, c'est de rester une trentaine de jours, et la deuxième, si vous ratez le coche, ben, c'est 500 jours. C'est un peu plus, presque deux ans. Fabrice Vertil, la question de mettre, ou en tout cas d'étudier les mécaniques de l'hibernation sur le corps humain, c'est aussi des études qui remontent à un petit bout de temps? Ah oui, effectivement. Déjà, dès les années 50, là, il y avait des études qui cherchaient à observer les effets que des radiations cosmiques pouvaient avoir sur des organismes hibernants. Et ce qui avait été observé à l'époque, qui avait été répété par quelques autres études dans les années 60, c'est que les animaux étaient davantage résistants aux radiations, donc à l'époque on utilisait des rayons X, étaient davantage résistants aux radiations lorsqu'ils hibernaient par rapport à leur état actif. Donc déjà à cette époque-là, il y avait des potentiels bienfaits de l'hibernation qui étaient imaginés dans un but spatial. Alors, il s'avère que donc évidemment on est tous baignés plus ou moins de ces images de science-fiction, puisque dans tous les grands films, dans toutes les grandes sagas, dans tous les grands romans de science-fiction, dès qu'on dépasse les limites du système solaire, eh bien il est question de cette hibernation, de cet hyper-sommeil. Mais là, on vient de franchir un pas un peu surprenant. Je veux dire que nous-mêmes nous étions assez surpris dans l'équipe de la méthode scientifique, Didier Schmitt, puisque l'ESA a publié une sorte de communiqué fin janvier, où elle envisage tout à fait sérieusement des systèmes, alors pour le moment c'est très prospectif, mais néanmoins des systèmes d'hibernation pour une moyenne échéance. Vous pouvez nous raconter de quoi il est question exactement ? Oui, alors si vous voulez, ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas laisser, on ne veut pas exclure certaines hypothèses de travail, puisque on vient de dire que dans les années 50, on imaginait déjà aller sur Mars. Ben, on imaginait d'aller sur Mars dans les années 70. Et en 70, ben, on est à peine allé sur la Lune. Voilà. Et donc, ça veut dire que, grosso modo, tous les 20 ans, on dit, ben, dans 20 ans, on y sera. Maintenant, je pense qu'effectivement, les choses vont s'accélérer. Avec la concurrence entre Chinois et Américains, on peut maintenant, je pense, prédire qu'effectivement, d'ici une vingtaine d'années, le train, entre guillemets, vers Mars sera en route. Donc, il faut maintenant s'y préparer, effectivement. Et là, il faut regarder toutes les options. Vous savez, un kilogramme, mettre en orbite un kilogramme, c'est déjà très cher. Aller sur la Lune, c'est déjà encore plus. Et vers Mars, encore un facteur de 6 ou 10 fois plus. Donc, chaque kilo compte. Ça veut dire que tout ce qui est nutrition, tout ce qui est eau, etc. Alors, soit, effectivement, on a le choix de faire des technologies de recyclage, ce qu'on fait, évidemment. Soit, effectivement, de consommer moins. Alors on ne peut pas non plus réduire l'équipage à son strict minimum, il faut quand même au moins 4 personnes à bord. Et ben ces 4 personnes, ben pendant les 1000 jours qu'on prévoit pour ce genre de mission, ben il faut qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils fassent des exercices, qu'ils consomment de l'oxygène, qu'ils produisent du CO2, etc. Et donc pour réduire ce métabolisme, ben une des solutions, c'est effectivement de les mettre en léthargie, dans un état de torpeur. Et là, effectivement, on fait appel à des scientifiques, il y en a un autour de la table, qui sont donc en train de plancher sur la possibilité théorique d'induire ce genre de réduction métabolique chez l'homme pour des futurs voyages vers Mars. Le schéma donné ou les explications données par l'ESA sont assez détaillées. Hein. Il est question d'une nacelle à coque souple, une température basse avec des perfusions de nutriments protégées par un bouclier d'eau. C'est-à-dire qu'on a vraiment pensé l'intégralité finalement du paquet que constituerait le défi de plonger des voyageurs et des voyageuses spatiales au long cours dans ces états de pseudo-hibernation dont on va parler évidemment. qu'on va détailler dans quelques minutes. Oui, pour tous les projets de l'ESA, les projets de avancés, entre guillemets, les projets futurs, on fait ce qu'on appelle un design concurrent, c'est-à-dire on met à peu près quelques dizaines d'ingénieurs et de scientifiques dans une salle et on regarde tous les aspects du problème. Donc voilà, c'est, pour tout vous dire, c'est un premier dégrossissement, évidemment, mais c'est pour avoir déjà une première représentation de ce que ça pourrait représenter, parce qu'après, il faut regarder les investissements que ça demande au niveau technologique, fiabilité, etc., et le gain. Et il faut après faire ce qu'on appelle un trade-off, hein, c'est de voir est-ce que c'est plutôt vers la technologie qu'on va aller, est-ce qu'elle est fiable, ou alors, c'est simple, il faut mettre plus d'éléments, plus de masse, entre guillemets, en orbite, et ensuite aller plus loin vers Mars. Donc ça, ce sont des choses qui vont s'affiner dans les années à venir. Un ratio coût-bénéfice, en quelque sorte. Tout à fait ça. On va discuter de ce qui est dans ce rapport. On va voir avec vous, Fabrice Bertil, de ce que ça supposerait de plonger des êtres humains en hibernation. Est-ce que c'est faisable? Combien de temps? Dans quelles conditions? Tout ça pose des questions scientifiques tout à fait passionnantes. Et vous allez voir qu'il y a encore un certain nombre d'obstacles. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de l'hibernation spatiale en compagnie de Fabrice Bertil et Didier Schmidt. Fabrice Bertil, peut-être qu'on peut rappeler dans un premier temps que le temps n'est pas le seul obstacle de taille quand on pense à des voyages de plusieurs centaines, de plusieurs peut-être milliers de jours dans l'espace, le corps humain dans l'espace. On va dire que c'est pas un endroit tout à fait favorable, globalement. Non, effectivement, un corps humain, c'est pas fait pour vivre dans l'espace, ou en tout cas, c'est pas fait pour revenir après un voyage dans l'espace, puisque cet état d'apesanteur et cette exposition potentielle aux radiations a des effets extrêmement importants sur la physiologie et même potentiellement sur la santé des astronautes. Plus le voyage est long et profond dans l'espace, les altérations qui sont observées, elles sont observées à plusieurs niveaux, au niveau cardiovasculaire tout d'abord, avec une complète redistribution des fluides dans l'organisme. Les fluides vont s'accumuler plutôt dans la partie supérieure du corps. Il va y avoir des altérations aussi au niveau du système musculo-squelettique avec une fonte musculaire. Vous avez tous vu les astronautes qui ont du mal à marcher lorsqu'ils reviennent, avec une ostéoporose qui va s'installer doucement également, avec des troubles vestibulaires qu'on comprend tout à fait en absence de gravité. Donc il faut pouvoir, si on veut envoyer des hommes dans l'espace, lutter contre ces effets délétères. Et puis on a relayé il y a peu de temps encore une toute récente étude qui montrait une modification de la matière blanche dans le cerveau, donc avec des effets neurologiques aussi certainement. Mais justement, avant de penser au système d'hibernation en tant que tel, encore faut-il, eh bien, comme vous venez de commencer à le faire, Fabrice Bertil, recenser toutes les conséquences d'un séjour dans l'espace sur le corps et le cerveau humain. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, à défaut d'être allé dans l'espace pour en faire vous-même l'expérience, vous avez rencontré le responsable des services sciences de la vie au CNES. Oui, il s'agit de Guillemette Gauquelin-Corps, qui est donc, comme vous le dites, responsable des sciences de la vie au Centre National d'Études Spatiales. Elle nous décrit les effets que provoque un séjour prolongé dans l'espace sur le corps humain, aussi bien au niveau des muscles que des os, ou du système cardiovasculaire et de certains organes. Tous ces paramètres, bien, il faudra en prendre évidemment compte et pouvoir les observer finement au cas d'un futur voyage en dormance vers Mars. Alors nous travaillons essentiellement sur les systèmes cardiovasculaires, musculaires, osseux, le métabolisme et l'immunologie. Alors en fait, nous travaillons aussi bien sur des expériences dans la Station Spatiale Internationale, donc en impesanteur réel, et nous faisons également beaucoup d'expériences au sol avec des campagnes d'alitement prolongé, de bed rest, et d'immersion sèche. Donc les alitements prolongés sont en général de 2 mois à peu près, et l'immersion sèche entre 3 et 5 jours. Si on doit faire un petit tour d'horizon de ces grandes conséquences d'un séjour dans l'espace sur le corps humain, quelles seraient les principales voies que vous voyez, que vous pouvez déjà nous décrire? Au niveau du système cardiovasculaire, en fait, on pensait que c'est lui qui serait le plus touché quand on a envoyé la première petite chienne Leica dans l'espace et après Gagarine. Et en fait, le système cardiovasculaire se déconditionne, c'est-à-dire qu'il n'a plus de rôle aussi important qu'au sol, puisqu'il n'a par exemple plus son rôle de pompe cardiaque, puisque les muscles ne travaillent pas, donc il n'a pas besoin de fournir régulièrement du sang aux muscles. Donc il y a un déconditionnement cardiovasculaire, il y a une montée du sang de la partie inférieure du corps, puisqu'on n'a plus besoin de sang dans les jambes, puisqu'on ne marche plus, dans la partie supérieure du corps, et une redistribution en fait de ce litre et demi de sang à peu près, une redistribution dans la partie supérieure du corps, au niveau des petits capillaires, des artérioles, etc. Alors cette accumulation de sang, tout se porte très bien quand on est dans la station, c'est-à-dire que le cœur se déconditionne, il travaille plus, donc il est content. Mais quand on redescend sur Terre, en fait, ce litre et demi de sang qui était dans la partie supérieure du corps redescend dans la partie inférieure, et c'est ce qui provoque l'hypotension orthostatique. C'est pourquoi les astronautes, quand ils sortent de leur vaisseau, ne marchent pas avec leurs petites jambes, mais sont obligatoirement portés ou dans des chaises roulantes. Alors, le cœur se remet relativement rapidement, en fait. Les muscles se remettent également rapidement. Par contre, on s'est rendu compte que le système osseux était beaucoup plus loin à se remettre, puisque des expériences, un an après le vol, ont montré que le système osseux n'était toujours pas revenu à la normale. Donc, actuellement, on fait des expériences de 18 mois après le vol pour voir si, effectivement, le retour est revenu. Il y a également des modifications métaboliques. En fait, il y a une inflexibilité métabolique, on va dire, qui est un peu identique à celle que l'on retrouve dans les gens surpoids ou des gens qui ont un diabète de type 2. C'est-à-dire que les acides gras ne sont plus stockés dans des tissus adipeux comme c'est normal, mais dans des tissus ectopiques, dans des organes ectopiques tels que le foie. Or le foie, il a quand même une autre fonction que de stocker des acides gras. Donc ça provoque une inflexibilité métabolique. En fait, tout ce que je vous montre là, tout ce que je vous décris comme modification, c'est les modifications dues à une inactivité physique extrême. Donc en fait, un astronaute, c'est quelqu'un qui ne fait absolument pas d'activité physique puisqu'il en fait que 2 heures par jour. Donc en fait, toutes ces recherches nous permettent de travailler sur les conséquences d'une inactivité physique poussée à son extrême. C'est pour ça que les bed rest sont quand même un très très bon modèle pour travailler. Des humains dans l'espace, il y en a depuis des décennies. Donc ces études, j'imagine, ont été conduites, vous l'expliquiez tout à l'heure, avec Laika déjà depuis fort longtemps. Est-ce que de nouvelles problématiques sont apparues dans l'étude d'un séjour humain dans l'espace concernant les conséquences d'un séjour dans l'espace sur l'humain? Et si oui, quelles sont ces nouvelles problématiques ou en tout cas ces questions auxquelles on cherche à avoir des réponses? En fait, si vous voulez, les instruments sont de plus en plus sophistiqués, on va dire. Donc, par exemple, pour les problèmes osseux qu'on pensait résolus 6 mois après un vol de 6 mois, on s'est rendu compte qu'en développant des scanners 3D, par exemple, on trouvait au niveau des travées osseuses des petites modifications encore. Au niveau cardiaque, c'est pareil. On a des échographes qui sont beaucoup plus performants et on peut voir effectivement des modifications de l'intima, des modifications au niveau des ventricules, etc. C'était des petites choses, on va dire, qu'on n'avait pas vues au début puisqu'on n'avait pas des instruments aussi sophistiqués. De plus, au départ, les vols étaient quand même de courte durée. Donc, en général, c'était entre 15 jours et 3 mois. Maintenant, les vols sont un peu plus longs, 6 mois. Et c'est surtout pour les vols de très longue durée où les problématiques sont quand même beaucoup plus importantes. Est-ce qu'on étudie le sommeil des astronautes? Et si oui, comment est-ce que ce sommeil est monitoré? Alors en fait, oui, on étudie le sommeil des astronautes. Il est quand même relativement perturbé, parce que vous savez que les astronautes tournent autour de la Terre. Ils ont 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit. Donc c'est en permanence une modification des rythmes. Donc tous les rythmes nictéméraux sont modifiés, que ce soit le rythme de la pression artérielle, que ce soit le rythme du cortisol, que ce soit le rythme du sommeil, etc. Donc oui, il est étudié. En plus, ils sont pas confortablement installés, on va dire, donc ils sont quand même pas dans un lit comme nous, et ils ont ces fameux 45 minutes de lumière et 45 minutes de nuit qui sont quand même très perturbants pour le sommeil. Vous, vu comme ça de loin, qu'est-ce qui vous semblerait important de prendre en compte dans un hypothétique futur où on mettrait en hibernation des humains dans l'espace? En fait, la question tourne autour surtout de la préservation des fonctions biologiques et des performances au réveil, parce que quand on va arriver dans la planète lambda, il va bien falloir quand même pouvoir faire quelque chose. Donc il va falloir regarder si l'intégrité cellulaire, qu'elle soit musculaire, cardiaque, osseuse, etc., n'est pas impactée par l'hibernation. Mais il y a également tous les problèmes de rythme biologique, puisqu'on sait qu'on vit en permanence en fonction d'une journée de 24 heures, et que là, la journée sera de quelques mois. Et en fait, je pense qu'il va falloir travailler exactement comme on a fait au début des vols spatiaux. C'est-à-dire qu'au début des vols spatiaux, on a fait des simulations, on a fait des mesures avant, pendant, après, on a fait des simulations de quelques heures, maintenant on en arrive à des simulations de 3 mois. Donc en fait, je pense qu'il faudra faire exactement la même chose avec l'hibernation. On fera des mesures avant hibernation, on fera hiberner les gens quelques heures, quelques jours, on fera des mesures après l'hibernation et on verra si effectivement il y a des très grosses modifications et si c'est des choses irréversibles qui se produisent. Mais alors là, il y aura les comités éthiques, etc. Mais en fait, je pense que le mieux actuellement, ça serait quand même d'essayer de trouver des molécules qui miment l'effet protecteur de l'hibernation chez l'homme. Et on a donc le laboratoire docteur Bertille qui est vraiment spécialisé là-dedans, qui travaille depuis des années là-dessus et on a beaucoup d'espoir dans les résultats de ses recherches. Fabrice Bertille, je vous tends la parole forcément puisque on a fait un peu un panorama des effets des séjours dans l'espace. Vous aviez commencé. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet, les choses vont être différentes. On ne sera plus protégé par le champ magnétique de la Terre comme on l'est dans la Station spatiale internationale. La question, c'est comment est-ce que on fait ? Est-ce qu'il y a des mécaniques comme on constate chez certains mammifères hibernants, effectivement, de protection des corps quand ils sont plongés dans ce sommeil qui n'en est pas vraiment zin, vous allez d'ailleurs nous l'expliquer. Alors, l'hibernation, c'est une situation, c'est une physiologie qui est extrêmement complexe. Donc, avant de pouvoir éventuellement, effectivement, la reproduire chez un animal, ou en tout cas en mimer certains des aspects les plus protecteurs, si possible, il va falloir comprendre jusqu'au bout les mécanismes qui permettent à ces animaux de rester protégés, malgré le fait de rester pendant des semaines ou des mois, même pour certains hibernants, sans manger, sans bouger, pour certains sans éliminer leurs déchets. Et ces animaux sont dans un état physiologique potentiellement qu'on pourrait qualifiés de malades. Ils sont en insuffisance rénale, ils sont en insuffisance cardiaque, mais tout est réversé, cette situation est complètement réversée au moment de leur réveil. Donc il faut essayer de comprendre tous les éléments protecteurs pour pouvoir les transférer à l'homme. Alors, je vais renvoyer nos auditrices et nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée justement à l'hibernation, parce que comme vous venez de le mentionner, il y a différents types d'hibernation. Il y a des hibernations dures entre guillemets et des hibernations plus douces. Le modèle que vous étudiez, ou en tout cas qui est en ce moment qui intéresse les chercheuses et les chercheurs pour l'appliquer à l'être humain, ce serait le modèle de l'ours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quelle est la différence de ce type d'hibernation-là ? Pourquoi ça nous intéresse plus directement ? Effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a un profil d'hibernation, il y a vraiment un continuum de situations. Il y a beaucoup d'animaux qui hibernent et en fonction des animaux, les paramètres, les caractéristiques de leur hibernation diffèrent. L'hibernation, c'est une orientation de la physiologie vers une économie d'énergie maximale qui passe par une réduction de la fonction rénale, on en a parlé, des fréquences cardiaques et respiratoires, de la température corporelle et un ralentissement global du métabolisme. D'accord. À une des extrémités de ce continuum, on a tous les petits mammifères hibernants, ceux dont parlait cette personne tout à l'heure dans le reportage, qui vont hiberner à une température corporelle proche de celle de l'environnement, dans certains cas qui peut même être négative, et un ralentissement du métabolisme qui peut aller jusqu'à 99%. Et à l'autre extrémité de ce continuum, on va trouver les gros mammifères hibernants, comme les ours justement, qui ont un ralentissement du métabolisme qui va jusqu'à 75%, malgré une réduction de leur température corporelle qui n'est que de quelques degrés. Et c'est justement ces caractéristiques de l'ours, une masse et une physiologie très ressemblantes à celle de l'homme et une température corporelle finalement très peu diminuée qui va plutôt ressembler à des niveaux de température qui sont par exemple utilisés chez l'homme en hypothermie thérapeutique. Là, on peut vraiment imaginer transférer les caractéristiques de l'hibernation de l'ours à l'homme. Alors concrètement, il y a un certain nombre d'études en dehors du strict cadre de l'étude pour l'application spatiale, mais en tout cas d'induction d'hibernation chez des organismes qui n'hibernent pas. Comment quel est l'état de la littérature scientifique à ce sujet ? Comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a une théorie intéressante qui laisse entendre finalement que tous les mammifères peu ou prou auraient à un moment donné de leur évolution connu une phase de type hibernation, ou en tout cas qu'on aurait gardé le potentiel génétique qui nous permettrait d'hiberner. D'ailleurs, il y a une étude intéressante de 2020 qui mettait l'hypothèse même que Néandertal aurait pu d'une certaine manière avoir une forme d'hibernation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela? Effectivement, il y a probablement une partie d'héritage de l'évolution. L'étude dont vous parlez sur l'homme de Néandertal, en fait, c'était une équipe qui a étudié la structure de toute une collection d'os de ces hominidés et qui a mis en évidence des altérations qui faisaient penser à une réduction de croissance, un ralentissement de la croissance à certaines périodes, qui pouvait tout à fait faire penser à des périodes d'hibernation. Et ces individus ayant vécu à des périodes de glaciation, c'était pas forcément étonnant non plus. Maintenant, comme vous l'avez dit, ça reste une hypothèse néanmoins. Ça reste une hypothèse qui n'a pas été confirmée. Et ça, on le saura jamais vraiment. Mm-hmm. On n'a pas de moyen vraiment de le savoir. Effectivement. Maintenant, pour ce qui est d'induire un état hibernant ou un état ressemblant à l'hibernation chez des mammifères non hibernants normalement, il y a effectivement plusieurs stratégies possibles. Tout d'abord, la stratégie pharmacologique qui va cibler potentiellement certains systèmes neuronaux directement dans le système nerveux central, des systèmes nerveux qui sont impliqués dans la régulation de la thermorégulation, et qui va donc permettre un abaissement de la température. Et va s'en suivre un abaissement un ralentissement du métabolisme. Autre stratégie, ça va être de refroidir directement les organismes, de les exposer en même temps à une restriction calorique, et comme ça, les animaux, des souris ou des rats par exemple, vont pouvoir rentrer dans un état de torpeur, donc cet état de léthargie qui est caractéristique de l'hibernation. Ça, c'est donc des essais effectués sur des animaux. L'une des grandes questions, c'est évidemment la réversibilité. Ça veut dire que sur ces essais-là, qu'ils soient pharmacologiques ou directement liés à l'abaissement de la température et à la privation calorique, la réversibilité est totale, rapide, à 100%. Alors, la réversibilité peut être totale si cette induction reste de courte durée. Par contre, au maximum, ces inductions-là ont duré une quinzaine de jours, et au bout de 15 jours, on voit que les altérations qui sont induites ne sont plus réversibles. Donc, il y a encore du travail pour vraiment y arriver. Didier Schmitt, un mot sur ces différentes tentatives d'induire l'hibernation. On voit chez l'animal et on verra en quelle mesure on peut imaginer bien décalquer ce type de recherche sur l'être humain dans quelques instants. Mais votre regard là-dessus. Oui, la réversion, évidemment, c'est un sujet. C'est la question clé, puisque d'une part, ce qu'on prévoit évidemment quand les premiers astronautes vont atterrir sur Mars. On va pas juste les faire atterrir et puis les faire repartir. Il faudra bien qu'ils travaillent un petit peu et qu'ils sortent de leur capsule. Ça veut dire avoir une charge physique importante, même si la gravité donc martienne n'est que de 38% comparée à la gravité terrestre. Avec un scaphandre qui peut peser jusqu'à 80 kilos, ça fait quand même une sacrée charge. Donc il faut qu'il soit vraiment opérationnel. Et là encore, c'est pas comme quand Thomas Pesquet atterrit, il y a tous les médecins et tout le monde, enfin tout ce qu'il faut autour. Là, il y aura personne sur Mars. Donc, effectivement, il faut effectivement avoir la certitude, bien sûr, d'avoir une très forte réversibilité et qu'il soit d'ailleurs meilleur que si on laissait l'organisme se dégrader pendant 6 mois ou plus pour le voyage aller. On a parlé de toutes les dégradations entre guillemets qui seront présentes. Donc ça, on essaie de les rattraper par ce qu'on appelle les contre-mesures physiques, d'exercice, même d'en mettre des gens dans des centrifugeuses pour avoir une hypergravité. Et donc là encore une fois, c'est le problème du risque et du bénéfice. Alors, ce qu'il faut rajouter ici, c'est que une partie de l'équipage seulement, en principe, va descendre sur Mars. Donc ça sera un petit peu comme Apollo. Apollo, il y avait une personne en orbite, deux personnes qui descendent. Là, on va plutôt aller vers deux ou trois personnes qui restent en orbite et deux qui vont descendre. Ça veut dire que sur les missions donc martiennes de longue durée, c'est-à-dire à peu près 1000 jours, les deux ou trois personnes qui ne descendraient pas, ben, ils seront dans ce vaisseau pendant 1000 jours d'affilée. Et là, effectivement, je pense que même eux-mêmes seraient certainement volontaires pour hiberner un petit peu plus, parce qu'effectivement, il n'y a pas que la physiologie et le métabolisme, mais il y a aussi les problèmes de l'ennui, les problèmes psychologiques ça représente. Entre autres, de ne pas voir la Terre, d'être quasiment de l'autre côté du Soleil, du système solaire, pendant quelques temps. Dans un lieu clos, sans possibilité de sortie. Absolument. Donc là, le confinement par rapport à ce qu'on a vécu, c'est rien. Donc effectivement, il y a toute cette partie donc, de psychologie comportementale qui est quand même extrêmement importante. Et là, effectivement, d'induire un petit peu une léthargie, même si elle n'est pas complète, ça pourrait être intéressant. On va continuer à parler des diverses hypothèses parce que, eh bien, vous allez voir que quand on hiberne, on ne mange pas. Que se passe-t-il avec les déchets? Comment faire pour se réveiller? Dans quelles circonstances? Vous allez voir qu'il reste encore beaucoup de questions, mais des questions auxquelles on commence à trouver petit à petit quelques idées de réponses. Space travel is boring, le voyage spatial est ennuyeux, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sun Kilmoon qui le chante à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons de voyages spatiaux habités au long cours et de la possibilité, de l'éventualité de pouvoir mettre les futures voyageuses et voyageurs spatiaux en hibernation temporaire. Nous en parlons avec Fabrice Bertil, qui est chargé de recherche CNRS dans l'équipe spectrométrie de masse bioorganique à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg, et Didier Schmitt, chargé de la coordination et de la stratégie des programmes d'exploration robotique et humain à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Alors, dans la possibilité, ou en tout cas dans les propositions faites par l'ESA à la fin du mois de janvier sur la possibilité d'hibernation spatiale, Fabrice Bertil, il y avait l'idée donc de abaisser la température, mais également de mettre les voyageuses ou les astronautes sous perfusion. Comment on fait finalement? Parce que l'ours, vous le disiez, l'ours, avant, comme d'ailleurs à peu près tous les mammifères qui hibernent, avant l'hibernation, ils font le plein de nourriture, hein. L'ours, ça mange beaucoup, 70 kilos, plus 80 kilos de baies par jour, donc ça accumule de la graisse, donc ça veut dire que il faudrait qu'on prenne des voyageuses et des voyageurs spatiaux un peu en surpoids, ce serait finalement assez idéal pour pouvoir les mettre en hibernation le temps du voyage. Oui, c'est une des idées qui court depuis déjà assez longtemps. Effectivement, les hibernants, avant d'entrer en hibernation dans leur tanière, ils vont être complètement hyperphages. Et les ours que, par exemple, nous suivons en Suède chaque année, eux, ils vont manger jusqu'à 20 000 kilocalories par jour de baies sucrées et riches également en antioxydants. Les astronautes sont en général des personnes, des hommes très entraînés, le plus souvent. Des hommes et des femmes, aujourd'hui, et des femmes, ouais. Mais très entraînés, assez musclés. Et le muscle, ça consomme de l'énergie. Donc, si on reste dans cette idée d'économiser de l'énergie, peut-être qu'il faudrait aller vers des individus peut-être moins musclés, éventuellement plus adipeux, pour pouvoir supporter de manger moins, et éventuellement pendant un certain temps. Peut-être de supporter alors j'allais dire un état de léthargie, je ne veux pas m'avancer jusque-là, mais en tout cas un état dans lequel on pourrait le plonger et qui se rapprocherait, qui mimerait certaines caractéristiques de l'hibernation. Mmh. Et donc il est question de toute façon de perfusion. Qu'est-ce qui se passe également avec les déchets? Il est question d'un bain liquide, c'est-à-dire qu'il dormirait dans une espèce de petite nappe liquide. Quels sont les scénarios possibles en fait? Alors moi je ne connais pas toutes les stratégies qui sont prévues à ce niveau. Là, il est clair que je ne peux pas concevoir également qu'on puisse plonger un humain en état de proche de la léthargie sans lui apporter les nutriments essentiels, les vitamines essentielles et tout ce qu'il faut au maintien de ses fonctions vitales et également pour détoxifier le sang de ces animaux. Le sang des hibernants est toxique. Il est rempli d'urée, par exemple, qui est le déchet métabolique des protéines. Donc je ne peux pas imaginer que chez un humain, on ne l'aide pas à détoxifier. Didier Schmitt. Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, la léthargie ou la torpeur, c'est fait partie de l'évolution, puisque l'évolution depuis des millions d'années déjà, quasiment sur toutes les espèces, même les bactéries ont commencé par faire des sports quand il n'y avait pas assez de nourriture ou l'environnement était non favorable. Donc l'ours c'est pareil, c'est sur des millions d'années d'évolution. Donc maintenant, est-ce que la science peut rattraper des millions d'années d'évolution et les adapter à l'homme? Ça c'est la grande question. Il ne faut jamais oublier que tout est compliqué. Donc la physiologie, c'est pas juste on appuie sur un bouton, il y a une hormone qu'on change ou un gène qu'on accélère ou qu'on freine. Il y a toujours des conséquences qu'on ne peut jamais prévoir. Donc effectivement, maintenant faire quasiment une espèce d'utérus artificiel dans lequel on plongerait la personne, ça c'est aller peut-être un petit peu plus loin. Mais encore une fois, c'est pas juste le problème et c'est vraiment l'ours est le bon exemple. Il est en léthargie, tout se passe très bien, mais du jour au lendemain, il se réveille et qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben, il doit se nourrir, donc il doit aller chasser. Ça tombe pas comme ça sous la dent. Et c'est pareil avec les astronautes qui vont atterrir sur Mars. Du jour au lendemain, quasiment, il faut qu'ils soient opérationnels. Autrement, la mission ne sert pas à grand chose. Et Fabrice Bertil, le réveil aussi est une phase importante parce que, eh bien, le réveil de l'hibernation, ça n'est pas du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est un réveil très lent qui commence très doucement, qui se met progressivement en route pendant que l'animal hiberne encore et puis qui va se prolonger avant le rétablissement complet des constantes vitales. Oui, on ne sait pas vraiment ce qui déclenche la sortie de l'hibernation, ni d'ailleurs l'entrée dans l'hibernation. Mais ce qu'on sait, c'est que ce sont des phénomènes qui sont très progressifs. Plusieurs semaines avant l'entrée en hibernation, ou plusieurs semaines avant la sortie d'hibernation, il y a déjà une modification au niveau de la vitesse du métabolisme, au niveau de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire qui s'installe. Donc, avant l'entrée, tout diminue plusieurs semaines avant. Avant la sortie, tout reprend tout doucement avant. Donc pour l'humain plongé dans un état similaire, il faudrait imaginer probablement une période de qu'on pourrait qualifier de préconditionnement. Et ensuite, forcément, il faudrait qu'il y ait pour la sortie de cet état-là une intelligence artificielle qui pilote cette sortie de manière progressive et non pas subite. Et je voulais rajouter aussi par rapport à ce que disait Didier tout à l'heure sur le côté l'héritage de l'évolution. Il y a un bon espoir aussi pour l'homme, c'est que on sait maintenant que certains primates sont capables d'entrer en état de torpeur. En général, ce sont par exemple les lémuriens de Madagascar. On doit disposer de l'équipement enzymatique et moléculaire. À nous de réussir à régler les boutons pour que ça puisse éventuellement ça puisse fonctionner. Être possible sur Homo sapiens. Il y a aussi alors un topos des films de science-fiction. Là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus projectif, mais lié au processus de vieillissement. Est-ce qu'on sait si les animaux qui hibernent ont leur vie un peu rallongée? On sait si ces processus de léthargie ou de torpeur interrompent ou ralentissent en tout cas les processus de vieillissement cellulaire, Fabrice Bertil? Il y a quelques études qui rapportent des résultats de ce type-là, effectivement, notamment des études qui vont s'intéresser à ce qui se passe au niveau des télomères, donc l'extrémité des chromosomes qui sont vraiment impliqués dans les phénomènes liés à la longévité, au vieillissement. Et donc, effectivement, là, il semblerait, chez certaines espèces en tout cas, que l'état hibernant ralentisse aussi le temps et donc potentiellement puisse rallonger un petit peu l'espérance de vie des individus. Ce ne sont pour l'instant que quelques études et avec une seule mesure qui permet de le supposer, mais ça va dans le bon sens. Alors, on entend bien hein, Didier Schmidt qu'il reste encore un certain nombre de questions à lever, qu'on n'est pas prêt immédiatement. D'ailleurs, une question à Fabrice Berthier à ce propos rapidement. À quel moment et comment on peut envisager bien arriver à l'échelle humaine pour ce type d'expérience. Comment ? Parce que là, on a vu qu'on faisait des expériences sur la plongée en hibernation d'animaux qui n'hibernent pas actuellement, mais on imagine bien que quand on va arriver au niveau humain, on va arriver avec un problème, un certain nombre de problèmes d'éthique importants. Comment est-ce qu'on franchit le pas de l'essai clinique ? Je pense qu'avant l'essai clinique, il va y avoir beaucoup d'expériences différentes, des expériences in vitro dans un premier temps. Si je prends l'exemple, nous dans l'équipe, on est vraiment concentré sur ce qui se passe au niveau musculaire chez les hibernants et on a mis en évidence l'existence, il y a quelques années, de molécules qui circulent dans le sang, spécifiquement dans le sang des ours hibernants. Et ces molécules semblent capables de protéger des cellules musculaires humaines favorablement. C'est-à-dire que si vous incubez des cellules musculaires humaines avec quelques pourcents de sérum d'ours hibernant, eh bien au bout de 48 heures, ces cellules sont beaucoup plus grosses. Vous avez inhibé tous les mécanismes de dégradation des protéines et donc vous avez plus de protéines dans ces fibres musculaires-là. Donc il va falloir pour nous, pour le muscle en tout cas, le défi qui nous est proposé ici, c'est d'identifier ces fameuses molécules, de les tester encore davantage, de comprendre l'ensemble de leurs effets sur des cellules in vitro, des cellules musculaires, mais pourquoi pas aussi des cellules osseuses, des cellules rénales, des cellules hépatiques, etc. Puis il faudra éventuellement passer à une étape chez l'animal de laboratoire et vérifier si ces molécules, ce cocktail de molécules, peut protéger contre l'état de torpeur. Alors effectivement, découvrir les mécanismes de protection, ça nous intéresse au plus haut point, même avant même d'imaginer donc de mettre des personnes dans des boîtes de conserve et de les garder en léthargie. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, en début d'émission, les dégradations sont quand même significatives. Il y a 25% de perte de masse osseuse et structurelle aussi. Pareil dans le domaine donc pour le cœur, la pompe cardiaque, pour les muscles en général. Donc, si on pouvait effectivement par ces recherches trouver quelque chose pour ralentir cette dégradation qui est due à l'impesanteur, au manque de pesanteur, ça nous aiderait beaucoup parce que bon, faire des centrifugeuses géantes pour aller vers Mars, c'est quand même un coût extrêmement élevé. Et donc, c'est beaucoup plus facile effectivement de rester en impesanteur. Mais dans ce cas, il faudrait effectivement contrecarrer les effets négatifs de l'impesanteur. Et donc ces recherches-là, pour nous, sont extrêmement intéressantes parce qu'effectivement, si on trouve un certain nombre de molécules protectrices, entre guillemets, que ce soit pour le muscle, mais pour d'autres organes, effectivement, eh ben, ça peut être effectivement de la, au niveau thérapeutique pour nous, mais évidemment beaucoup d'applications terrestres en clinique en général. Et l'absence, effectivement, ou le ralentissement de vieillissement qui est certainement dû à des problèmes d'inhibition d'oxydation, de mécanismes oxydatifs, bah ça, là on pourrait même penser, pour faire un peu de science-fiction, que bah les touristes qui voudront aller un jour vers Mars, ça les intéressera de ne pas vieillir pendant l'aller et pendant le retour et de profiter à plein de leur séjour martien. Alors là, on est effectivement un peu plus loin dans le futur, si tant est qu'on y arrive un jour. Si on revient avec vous, justement, Didier Schmidt, sur le reste en fait de ce que faire hiberner tout ou partie de l'équipage changerait à la nature de ces missions spatiales. Comment est-ce qu'on le pense? Dans le document de l'ESA, il est dit que bien pendant que l'équipage se repose, ou en tout cas est plongé en léthargie pendant le voyage, l'intégralité de la mission est assurée par une intelligence artificielle. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Est-ce qu'on a la technologie suffisante pour faire entièrement confiance à une intelligence artificielle pour mener une mission d'une telle importance? Alors aujourd'hui, non, mais on va tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que bon, c'est un petit peu Odyssée 2001. Effectivement, l'ordinateur et l'intelligence artificielle en particulier, mais aussi la cobotique, donc la collaboration entre robots et humains, est un sujet extrêmement chaud entre guillemets de nos activités, puisque gérer tout un vaisseau qui va être extrêmement compliqué. C'est important. Alors, vous pouvez dire, bon, bah, ces gens-là sont entraînés au maximum, ils ont fait plusieurs séjours, peut-être même ils ont été sur la Lune avant, etc. Donc, c'est du Top Gun qu'on va préparer, mais vous savez, l'aspect psychologique et comportemental, on ne sait jamais. Donc maintenant, aujourd'hui, on pense qu'effectivement, il faut mieux faire, entre guillemets, confiance à l'intelligence artificielle qu'au maillon faible, entre guillemets, qui serait l'humain si jamais les choses se passaient plus ou moins bien à bord. Donc là, effectivement, c'est comme pour nos missions robotiques. Vous savez, quand une mission robotique est lancée vers Mars, quand Mars est vraiment à l'opposé par rapport au Soleil, la durée du signal, c'est 20 minutes aller, 20 minutes retour. Ça veut dire on donne une commande, la commande est exécutée 20 minutes après, et on sait qu'elle est exécutée 20 minutes après seulement. Et donc, ça veut dire que tout est automatisé. Et donc, l'intelligence artificielle dans nos futurs, même robots, donc par exemple, on a un grand programme de retour d'échantillons martiens, et bien le robot européen qui va collecter les échantillons, la plupart du temps, il va être extrêmement autonome et il va apprendre lui-même à naviguer, à contourner des obstacles. Sinon, on va mettre des années à le guider en ayant cette problématique de délai entre le signal et la réponse. Mais ça veut dire néanmoins qu'il faut envisager... est-ce qu'il faut mettre absolument tout l'équipage en hibernation ou en léthargie, ou est-ce qu'il faut faire moitié-moitié pour être sûr qu'il y ait quand même au moins une personne humaine éveillée? Est-ce qu'il y a des scénarios justement sur ce type de problème-là? Alors si vous voulez, les scénarios, pour être très franc, on les regardera quand on saura effectivement si vraiment ce genre de choses est possible. Mais évidemment, on peut d'ores et déjà dire que... mettre tout le monde au ralenti, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais effectivement, une partie de l'équipage, ce serait intéressant. Encore une fois, il faut imaginer les choses dans la très longue durée. Ici, on parle de la première mission vers Mars, du premier atterrissage sur Mars, etc. Mais ça, c'est pas la fin. Ça va continuer. Qui sait comment est-ce qu'on va s'installer sur Mars? Comment on va continuer d'explorer? Vous savez, avec le Starship de la société SpaceX, on pourrait poser 100 tonnes en une fois. On pourrait mettre effectivement des dizaines de personnes à la fois. Alors après, toute question éthique et de savoir ce que ces gens-là vont y faire. Mais du point de vue scientifique, évidemment, plus on va trouver des choses, plus on va se poser des questions, ça c'est évident. Et l'intérêt premier d'aller vers Mars, que ce soit pour la robotique ou pour les missions humaines, c'est vraiment de comprendre pourquoi cette planète sœur de la Terre est devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire aride et froide, alors qu'elle était quasiment identique à la Terre il y a 3,7 milliards d'années. Et donc découvrir ce genre de choses, ça ne se fait pas en une mission. Ce sera, je pense, on ne peut même pas imaginer la fin de ce type d'exploration. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour Mars en tout cas, si on... prend et si on imagine que le premier schéma de départ sera le schéma court avec un voyage plus court et un séjour de seulement 30 jours sur place, est-ce que l'option hibernation est absolument nécessaire compte tenu de ce que l'on entend et du fait qu'on voit bien que pour le moment elle est encore sujette à beaucoup de progrès, ou elle demande encore beaucoup de progrès, ou une science que l'on ne sait pas et qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait? Est-ce qu'il y a un vrai avantage, est-ce qu'il y a un vrai bénéfice concret sur une mission dans le schéma court en tout cas? Alors elle n'est pas nécessaire, c'est-à-dire effectivement dans le schéma actuel, il y a, bon, évidemment on peut avoir beaucoup d'options possibles technologiques, mais pour l'instant on prévoit toutes ces missions, enfin ces premières missions sans cette option-là évidemment. Après, s'il y a un bénéfice, on l'utilisera. Le bénéfice, c'est la masse d'emport, donc le décollage. Vous savez, on imagine aujourd'hui, enfin, les études montrent que pour faire un voyage vers Mars avec un premier train, entre guillemets, plus autonome, qui va avoir des atterrisseurs pour préparer le terrain, et ensuite le train, entre guillemets, deux, trois ans après, avec les humains, ça demandera à peu près une dizaine de vols du plus gros lanceur américain qui va bientôt décoller au mois de mai, qui fait 3000 tonnes. Donc vous voyez, ça fait quand même 30 000 tonnes qu'il faut lever, entre guillemets, de la Terre pour atterrir deux personnes sur Mars. Donc chaque bénéfice en termes de masse et donc en termes de consommables sera évidemment utilisé. Mais encore une fois, aujourd'hui, on imagine en tout cas les premiers ou le premier vol sans cette option d'hibernation. On voit également que cette option d'hibernation, on y pense pour Mars ou pour l'idée éventuelle de mission habitée plus loin que Mars, qui pour le moment, pour le coup, relève totalement de la science-fiction. Personne n'envisage d'aller au-delà de Mars pour le moment. Mais néanmoins, on imagine que dans le cas d'une base lunaire permanente, ça pourrait ne pas être aussi complètement inutile. Alors, bon, déjà, la base lunaire permanente, d'abord, il faut qu'il y ait une raison de l'avoir. Je pense que, bon, en dehors des raisons géopolitiques, évidemment, qu'on peut bien imaginer entre les grandes puissances. La Chine y pense très sérieusement. Ils pensent, oui, en tout cas, effectivement, même les annonces vont dans ce sens-là. Alors, la base permanente, ce serait évidemment au pôle sud, puisque c'est là qu'on a trouvé le plus d'eau. Et effectivement, il faut qu'il y ait un intérêt, c'est-à-dire que on va installer des systèmes effectivement d'excavation et de récupération de cette eau pour en faire de l'hydrogène et de l'oxygène par électrolyse, donc ce qui fait du carburant. Ça fait toujours ça de moins à emporter et à l'unir sur la Lune pour repartir. Maintenant, encore une fois, si on envoie des gens sur la Lune, c'est pas pour juste attendre le retour. C'est pas juste l'hivernage comme en Antarctique où effectivement là, on est un petit peu au repos. On fait pas toutes l'expérimentation qu'il faut. Enfin, j'ai un peu d'expérience. J'étais dans la base la plus reculée en Antarctique, Concordia. Concordia. Ouais. Donc les hivernants, les 12-13 hivernants, ils sont occupés, mais pas très occupés pendant les 9 mois où on ne peut pas ni sortir ni aller les récupérer. Donc pendant cette période-là, effectivement, ce serait aussi évidemment un avantage aussi de pouvoir un petit peu les mettre au repos s'ils le voulaient bien. Mais sur la Lune, je pense qu'il fasse jour ou nuit, il y a quand même 14 jours de jour et 14 jours de nuit sur la Lune, qu'il fasse jour ou nuit, il faudra quand même des activités extravéhiculaires assez significatives d'installation d'instruments, de vérification, etc. Donc je ne pense pas qu'on ira sur la Lune pour aller hiberner. Pour conclure, Fabrice Bertil, aujourd'hui, quel serait l'élément déclencheur de la faisabilité d'une mise en hibernation humaine? Quelle serait l'étude ou la preuve de concept qui pourrait nous dire « Allez, on peut y aller, ça a l'air d'être possible ». Ben, ce serait probablement une combinaison de facteurs. Si je répète ce que j'ai dit tout à l'heure sur le point de vue musculaire, ça serait la découverte de ces molécules qui protègent le muscle dans cet état-là. Probablement, ces molécules protègent également l'os. Ça restera à vérifier. Réussir à induire une hypothermie, un hypométabolisme chez l'homme, que ce soit par perfusion et ou application de blocs froids autour de l'organisme et réussir à la maintenir de façon sécurisée pendant plus que 90 minutes, parce qu'aujourd'hui c'est le maximum qu'on réussit à faire chez l'homme bien portant. Et on va jusqu'à 48 heures chez une personne qui a fait un arrêt cardiaque. Donc il y a vraiment une combinaison de facteurs et réussir petit à petit à allonger ce temps pour pouvoir provoquer un hypométabolisme d'environ une semaine au moins. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fabrice Bertil, merci Didier Schmitt. On peut vous lire ou imaginer à quoi ressemblerait une mission martienne à l'horizon 2080 dans cette bande dessinée Red Safari qui est publiée chez Verich, que vous avez coécrit avec Ava Dobrynin, Olivier Pack. Thomas Rome, merci d'être venu nous parler de cette hypothèse passionnante. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Arthur Dumont aujourd'hui à la technique, et comme toujours, la méthode scientifique. C'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur le site franceculture.fr, et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.